c'était sur Mars, la night. Tu sais, là, je suis là, Karim Leroy, MC Arabica. Je viens présenter un putain d'album, un massacre. Marseille Undercover, Aliment Staff. Fais gaffe, parce que quand ça arrive, c'est chaud. Et mec, reste à l'écoute. C'est Mars 13-1-3. On rigole pas, on revient en force. Je ne crois pas que le rap est mort, parce que Mars va remettre les pendules à l'heure.